Quelle est votre définition du rap? Bah déjà, à la base, pas faire un truc pour faire de la thune, comme il t'a dit tout à l'heure, c'est vraiment entretenir une passion et faire le truc comme on le ressent, quoi. Et pas simplement vis-à-vis d'un certain public pour pouvoir toucher énormément de personnes. Ouais, les gens, ils se retrouvent dans ce qu'on fait, quoi. On n'a pas besoin de chercher à viser. Non, justement, c'est accessible à tous, quoi. Je touche pas la raquette, mais j'ai la coupe Davis. Que des champions dans ma ligue et les embrouilles s'évitent. Ça traîne du marché Malik à la secrète boutique. À bord d'un scooter pétard ou d'un fer touche jean. Les canettes et les yeux vides, c'est tout ce que t'auras. Ouais, le genre sur la tête de mon pura. Si de mesure et on s'en bat les couilles si t'aimes pas. Le temps passe, les messes passent, les impasses, les timbales. Ouais, ouais, c'est pour les charbonneurs, les pères de famille. Qu'assume pas leur gosse à la va vite. Mère, il me vacille comme Rebou sur Ketsen. Qui tue pour une bouteille. Non, c'est pas la vie que j'aime, ouais. Une pour les potos qui soutiennent, deux qui se souviennent, trois qui nous succèdent. J'suis loin des rêves comme comment j'garde les pieds sur terre. Rien n'est moins sûr comme d'esquiver la peine de sûreté. Fuck la Zumba, big up le boom bap. On entend goodbye bye quand les douilles parlent. C'est 94 mesures, elle est double plane. J'préfère ça que de bouffer de la merde à Dubaï. J'suis pas un mec en or, j'répare ma vie comme un mécano. J'essaye de m'en sortir, j'suis pas plus bête qu'un autre. Et les jaloux diront t'es mal à lui, c'est péflon. Mais rien à foutre, gros. Moi je sais quoi toucher le fond. On a mangé des pierres comme fricotin. Grâce à la daronne gros j'ai pas connu le frigo vide. L'écriture et mes gosses sont ma seule richesse. Je connais pas jet privé, je connais qu'hésite jet. En costume qu'aux enterrements. On a perdu des proches mais seul mon filleul et ma grand-mère manquent. Je rappelle toute ma clique, sourire aux lèvres comme mon frère Scooby quand le Galsen gagne la coupe d'Afrique. 2 heures du bar, j'écris ce texte sous carnicule. En espérant qu'il fasse mal qu'on fracture clavicule. Tu sais c'est quoi l'amour? Moi j'sais rap, j'suis comme beaucoup, j'vois que des étages, que les marches séparent. Et si ça se tape des boires, mais les potos partent en HP, c'est acté pour ça, pas de hashtag. C'est la vraie vie difficile comme Colby Gosson. T'annonces la mort d'un proche, gros, y'a plus de microphone. J'sais pas où la vie me mène, mais des gens me manquent. J'recherche la vérité, mais trop de gens me manquent. Issus de la jeunesse monoparentale, et c'est très tôt les parentailles. Je sais que l'avenir n'est pas rentable. J'voudrais être pur comme le cœur d'un momo de la madre. Mais j'arrive pas, les pulsions balayent tout comme la marée, à cœur ouvert, j'ai gratté ce texte d'une traite. Dans ma tête, c'est la guerre, pas la pression d'être à l'aube d'une trêve. Je suis résigné, fâché comme un gosse qui parle mal. Je vais réciter par cœur mes mesures, j'ai pas le time. On a poussé dans la grisaille, mental de Paris, go. Les tracas font mal au but comme la petit bas de gamme. Un de ces quatre, ça va payer combien tu paries, gros. Grosse tapas dans la prod, le but fera des cascades entre fourrure et castagne. Adulte mais pas stable, l'inspi déborde sur l'instru comme l'écume des pastas. Il se passera quoi cette année? Du sale en 2022, du rap du Jack Daniels, la fumée d'un joint de bœuf. La semaine on taf, le week-end on crache des rimes faudettes. Les types brassent et les ch'tards cavalent comme Phil Foden. Les gens défilent, protestent, mon rap mes rimes progressent. J'piave mon ginto, laisse parler les petites commères. On arrive lourd sur le beat à la sumotori. On respire tous pour le bif à devenir asthmatique. Genre sur la tête des gosses, poteau si tu m'autorises. Préparez-vous pour le pire, c'est ce que le sale m'a dit. Rempli de sale manie comme Tony Elvira. Une lumière pâle t'attire, c'est t'as loupé le virage. Le game j'y donne pas l'heure, featuring Festina. J'attends le bouquet final, bientôt j'suis presque inapte. De la piave et des plans de bœufs dans mon champ lexical. J'écoute les yeux et les types pénaf comme des ziganes. Avant que je casse ma pipe, on va fumer le cigare. J'balance des faces bresson, encore échoqué le psychiatre. J'ai trop craché de syllab, purifié Garetzi. C'est la fumée que j'inhale, balèque de ta médecine. Nos regards paraissent vides, la tête pleine de rimes. On s'évade par l'esprit, j'prends plus la peine de rire. J'commence à peine devine comment ça se termine. Dehors le monde est toxique, laisse pas traîner ton fils. Tire en l'air comme le Hamas, le ciel est Mossad. Les mômes Sam comme Ozark pour brasser comme Mossala. Angers démon salam qui dicte nos actes. On se dit bonjour salam qui dicte mon srap. J'ai vu des man tout gays qui finissent sous Xanax. Le regard des gens changer juste après Oussama. Des soirées harsacées, il faut des housses de la maille pour claquer ton l'air sale là où les poufs s'amassent. J'ai gratté toute la night, le texte a l'air sale. Combien le coût de ta life, demande à l'air bague. Rappé à l'air facile, le beat a l'air massif. Ma rime a l'air magique, Panama avec Messi. Les mensonges du pouvoir se gobent comme l'extasy. Du coup on serre les dents, le soir on fait de la zik. Je rentre sur le beat, j'insiste, la suite s'annonce bad. J'ai pas sorti de classique, je les laisse à Mozart.